mâchoire grande ouverte, ils sanctionnent dans le vent. Caché derrière des urs contre surfactants. Les plages noyées se remémorent les vols, occultant les yeux résurgents. Sa part, il bosse les fils, fait grismer. Des mariages et le Dionysos, Orgiaque déprime. Hercule et un, je jure avec mon fourmillement de t'apporter ta place. Mâchoire grande ouverte, tu sanctionnes dans le vent. Caché derrière des surcontres. Les plages noyées se remémorent les vols, occultant les yeux résumés.